Donc, comme François vient de l'annoncer, nous accueillons cette semaine un nouveau chroniqueur à l'émission. Il s'agit de Jean-Daniel Doucet. Il nous présentera donc des chroniques 100% chimiques sur la chimie de notre quotidien. Alors, bonjour Jean-Daniel. Bonjour Valérie. Alors d'abord, Jean-Daniel, tu es chimiste à l'Université Laval et aussi responsable d'attraction chimique. Donc, finalement, tu baignes un peu dans la chimie. Mais pour en revenir à attraction chimique, peux-tu nous dire de quoi il s'agit? Oui, donc attraction chimique, c'est une activité de vulgarisation de la chimie. C'est une activité qui est itinérante, c'est-à-dire qu'on se promène un petit peu partout au Québec pour présenter aux gens la chimie sous un angle nouveau. Donc, on entend souvent parler de chimie. On associe souvent la chimie, en fait, à des produits chimiques toxiques. Mais la chimie, c'est bien plus que ça. C'est toutes sortes c'est une science, en fait, qui est présente dans notre vie de tous les jours. Et nous, on essaie de présenter ça principalement un public de jeunes dans les écoles secondaires, les salons d'éducation et toutes sortes d'événements comme ça pour leur montrer que oui, la chimie, c'est utile dans leur quotidien. Donc, là, avec des animations assez ludiques peut-être ou représentatives. Absolument. Donc, c'est des expériences qu'ils peuvent faire eux-mêmes et donc quelque chose de très interactif et très, très accrocheur. Puis, c'est ce que tu vas nous montrer finalement cette année au cours de tes chroniques? Exactement. Donc, cette année, je vais vous montrer que la chimie, ça fait partie de votre quotidien. Donc, moi, ça fait partie de mon quotidien comme chimiste, mais ça fait aussi partie de ma vie personnelle et de ce que je fais en dehors du travail. Donc, je vais tenter de vous montrer ça avec toutes sortes d'anecdotes et d'aventures qui vont m'être arrivées cette année. Et donc, par exemple, puisque l'été vient de se finir, ce qui t'est arrivé en vacances dans un endroit quand même assez exotique. Oui, effectivement. Donc, en vacances à Hawaï, donc j'ai essayé de me sauver de ma profession, de mon domaine d'études, donc essayer de mettre ça de côté un peu. Mais même là-bas, même en plein milieu de l'océan Atlantique, donc la chimie m'a suivi jusque là-bas. Et donc, voilà. Alors, raconte-nous ça. Alors, je vous raconte. Donc, d'abord, je suis parti, moi, j'avais pas beaucoup d'argent, donc peu de temps. Donc, je suis parti pack-sac, seul, en avion. Et donc, je suis débarqué à Hawaï, un peu sur un coup de tête. Et je suis débarqué, j'ai vraiment eu le souffle coupé, vraiment. Les paysages, les palmiers partout, le soleil brûlant qui nous tape. Vraiment du beau temps. Et vraiment, j'étais complètement ébloui. Aucun nuage dans mon ciel, sauf peut-être un au loin. Donc au loin, je vois des montagnes. Et au-dessus de ces montagnes, on voit des nuages. Et là, je me demande, pourquoi il y a des nuages nulle part dans le ciel, Pourquoi est-ce qu'il y en a au-dessus de la montagne précisément? D'ailleurs, c'est une observation qu'on peut faire sur bien des chaînes de montagnes. C'est un phénomène qui revient finalement. Absolument. Il y a une montagne, il y a un nuage. C'est quelque chose qu'on peut observer au Québec. On peut observer les chaînes de l'Himalaya, par exemple. Pourquoi les montagnes accrochent-elles les nuages? Est-ce qu'il y a un crochet au sommet des montagnes qui permet d'accrocher les nuages? Eh bien, la réponse est non. Il n'y a pas de crochet. Malheureusement, il n'y a pas de crochet. La réponse est un peu plus, peut-être moins simple, mais plus scientifique que ça. Donc, Hawaï est situé en plein milieu de l'océan Atlantique. Donc, les vents qui la balaient sont des vents chauds et humides. Et lorsque ces vents-là vont frapper la montagne, ils ont d'autres choix que de monter vers le haut. Donc, ils sont bloqués par la montagne et ils doivent continuer. Donc, le vent, l'air humide va s'élever vers le haut. Et une fois que l'air s'élève, donc l'air chaud, c'est comme dans les montgolfières, hein, l'air chaud va monter dans les airs. Et il se passe une chose lorsqu'on arrive au sommet des montagnes, c'est que la pression atmosphérique descend. Ouais. Donc la pression atmosphérique, c'est le poids que pèse sur nos épaules l'air qu'on a au-dessus de nous. Donc lorsqu'on monte dans la montagne, on a moins d'air au-dessus de nous, donc on a moins de poids au-dessus de nous. Et donc l'air voit une moins grande pression atmosphérique. Et ensuite, intervient une loi chimique que vous avez peut-être déjà vue au secondaire. Donc, certains se rappelleront peut-être la loi des gaz parfaits. Le fameux PV est égal à NRT. Non, oui, effectivement, hein, ça allume quelques petits souvenirs. Mais pour ceux qui auraient oublié la règle ou ces grandes lignes, donc ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la pression atmosphérique va diminuer, la température va également diminuer. Donc, en montant, l'air chaud, très humide, va se refroidir. Et donc, l'air froid, vous pourrez en témoigner, l'hiver, par exemple, l'air est beaucoup plus froid. Hein, donc, l'air est plus sec. On a souvent les narines qui vont s'assécher. Ça nous colle, la bouche qui sèche un petit peu plus. Donc voilà, l'air est plus sec. Donc, on peut accueillir moins d'eau à l'intérieur d'elle. Donc, on a eu de l'eau très, très humide, avec très gorgée d'eau qui est montée dans les airs. Mais il n'y a plus de place pour toute cette eau. Donc, cette eau-là doit s'en aller à quelque part d'autre. Et c'est là que les molécules d'eau vont s'agglutiner, si on veut, et former les nuages. Exactement, ils vont se regrouper. Ils vont se regrouper et former les gouttes d'eau. Et former les gouttes d'eau des nuages. Et c'est ça qui va permettre de garder un climat tropical et des paysages absolument superbes à aller visiter. Exactement. Ça verdit l'ensemble de l'île. Dis-moi, c'est pas plutôt de la physique ou de la météorologie, tout ça? Effectivement, il y a un peu de physique et de météorologie, mais bon, la règle de base, si on veut, est un peu plutôt chimique. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la chimie, c'est au centre de toutes les sciences. Donc, vraiment, ça touche à la physique. Donc, les physiciens vont utiliser toutes sortes de matériaux qui proviennent des chimistes, qui ont été produits par les chimistes. Mais les biologistes aussi vont faire la même chose, et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on va voir aussi au courant de l'année. Donc, suite du voyage, t'as vu ce nuage? Donc là, je suis bouche bée devant le nuage et je finis par justement sortir ma tête des nuages et retourner les deux pieds sur terre pour m'en aller à mon auberge de jeunesse. Donc, j'avais un peu moins d'argent, donc je peux voyager avec mon sac à dos. Je me dirige vers mon auberge de jeunesse et je mentionnais, pas beaucoup d'argent, donc quelque chose de très, très rustique, disons, très, très organique, près de la nature, où je suis accueilli en arrivant par des facochères et des poules sauvages qui se promènent sur le terrain. Très, très, très, très sympathique. Oui, longue discussion avec les facochères, très, très sympathique. Et je me dirige vers mon petit chalet qu'on m'avait réservé là-bas. Et j'arrive et je suis accueilli par mes colocataires. Les colocataires qui m'attendent les quatre pattes sur le mur, à la verticale, se promenant autour de la lumière et me faisant des grimaces de façon un peu nonchalante. Des curieux colocataires, ça. Curieux colocataires. En fait, je suis accueilli par des geckos, donc des petits lézards qu'on trouve, entre autres, sur l'île d'Hawaï. Et ils tiennent à la verticale. Et là, je suis là et je me demande, comment est-ce que ces geckos-là peuvent tenir à la verticale? Plus jeune, je rêvais de devenir un Spider-Man, de me promener sur les murs partout. Et jamais j'y suis arrivé. Donc, je me suis vraiment demandé pourquoi est-ce que ça y tient là. Et en fait, c'est une question qu'on se posait depuis très, très longtemps. Donc, ça remonte au temps d'Aristote, à l'Antiquité, où les gens se sont posé la question pourquoi ce type de lézards-là peuvent tenir au mur. Et on a récemment trouvé la réponse en 2002. Est-ce que tu as une idée, Valérie, je dirais quelque chose comme la succion, peut-être, mais... Mais c'est ce qu'on a longtemps pensé. Mm-hmm. Donc, avec la présence d'eau sous les pattes des lézards, des geckos, qui pourrait permettre de tenir les lézards en place. Mais en fait, c'est pas du tout vrai. Donc, on a découvert récemment que ce sont plutôt les cheveux des lézards qui permettent de tenir. Les cheveux. Donc, les lézards ont des cheveux. Les lézards ont de tout petits cheveux qui sont... à peine plus grand que la largeur d'un de nos propres cheveux. Mm-hmm. Donc, très, très, très, très court. Et ils en ont des millions sous les pattes. Donc, ces cheveux-là sont séparés en 1000 petits coussins. Donc, les geckos, au lieu de séparer les cheveux en 4, eux autres, les séparent en 1000. Ils font pas les choses à moitié. Et donc, voilà, ces nombreux fils et ces nombreux coussins qui sont présents là vont permettre d'augmenter la surface de contact des lézards sur le mur et les permettre de tenir. Donc, la façon dont ça fonctionne, il y a deux principes en jeu. Il y a la friction qui va augmenter, donc ça permet de tenir un peu... Ça glisse moins. Exactement. Mais il y a aussi une autre règle chimique qui va entrer en jeu. C'est-à-dire que les pattes des geckos, le dessous de leurs pattes, sont hydrophobes. Donc, elles vont repousser l'eau. Les murs de mon chalet, par exemple, vont aussi repousser l'eau. Donc, c'est ces deux produits-là qui repoussent l'eau ont une certaine affinité l'un pour l'autre. C'est une affinité qui est très, très faible. Et donc, les atomes des cheveux des lézards qui sont au bout de leurs doigts vont être attirés, il va y avoir une attraction chimique entre ces atomes-là du bout des cheveux des lézards et ceux du mur. La paroi du mur. Exactement. Donc, c'est une force qu'on appelle la force de Van der Waal, qui est très, très faible normalement, mais lorsqu'on duplique avec des millions de cheveux, on peut permettre les lézards peuvent coller à la surface du mur. D'accord. Et là, du coup, sachant ça, est-ce que tu as essayé de mettre en application ce principe pour réaliser ton rêve? J'ai essayé de me coller la tête ou les doigts sur le mur pour essayer de rejoindre les geckos, mais malheureusement, j'ai... Il va falloir que tu te pousser les poils au bout des doigts. Probablement, ça risque d'être assez long. Donc, je suis plutôt allé me coucher, finalement, puis pour reprendre ma journée le lendemain. Et donc, le lendemain? Et donc, le lendemain, je me prête à voyager. Je suis là pas très longtemps, donc je me dépêche à aller faire de la randonnée en montagne, me promener avec les nuages, avec la végétation tropicale. Je suis allé faire de la plongée avec les poissons. Donc, je suis vraiment allé me promener un peu partout. Et comme il faisait très, très beau, toujours très, très soleil, ben, j'en profitais lorsque l'occasion se présentait pour enlever mon chandail, pour bronzer un peu pour la copine à la maison, pour revenir pour l'apparence un peu. Puis, le problème, c'est que je voyageais seul. Ah, et oui, quand on voyage seul, la crème solaire... C'est difficile de s'en mettre dans le dos. C'est difficile de s'en mettre dans le dos. Et comme je suis pas quelqu'un de très, très souple, donc j'ai dû ne pas me mettre de crème solaire dans le dos. Et malheureusement, j'en ai payé le prix le soir venu. Donc, je suis revenu à mon chalet rustique et je me couche. Et malheureusement, je suis incapable de dormir sur le dos. Coup de soleil, incapable de rester sur le dos. Je vire d'un côté, je vire de l'autre. Et là, je peste comme mon coup de soleil. Je me demande pourquoi. Pourquoi les coups de soleil? Pourquoi ça fait mal? Pourquoi ça fait mal? Et j'ai découvert pourquoi ça fait mal. Donc la principale raison en cause, les gens pourront peut-être le sauront peut-être, ce sont les UV. Mais qu'est-ce que font les UV pour nous donner un coup de soleil? C'est-à-dire que les UV vont créer des nœuds dans notre code génétique. Donc, ils vont entraîner des réactions chimiques entre certains éléments de notre ADN, de notre code génétique, pour créer des blocages. Donc, ça va créer des blocages et le code génétique ne sera plus fonctionnel. Donc, la cellule ne peut plus fonctionner et la cellule finit par mourir. Donc, on a toutes sortes de cellules qui sont mortes et en mourant, les cellules vont sécréter toutes sortes de produits chimiques, de médiateurs chimiques qui vont donner le signal d'alerte au système immunitaire. Et là, le système immunitaire va... Comme une inflammation qui va venir réparer les tissus qui ont été endommagés. C'est et c'est pour ça que quelques heures après l'exposition au soleil, on devient rouge. Hein. C'est là que l'inflammation a lieu et c'est comme ça qu'on a de la douleur et qu'on n'arrive pas à dormir le soir parce qu'on a eu un coup de soleil. Ou finalement, tu dors sur le ventre. Ou finalement, on dort sur le ventre et on finit par s'endormir éventuellement pour se réveiller avec finalement un dos qui va assez bien. Ouais. Mais des jambes, par contre, qui ont beaucoup plus de difficultés. Donc, à cause de la randonnée. À cause de la randonnée, ouais, exactement. Ouais. Donc, je suis allé dans les montagnes avec les nuages, je suis revenu et là, je suis complètement courbaturé, j'ai de la difficulté à marcher. Et voilà. Est-ce que tu as une idée, Valérie, de pourquoi j'ai de la J'avais entendu dire que c'était à cause de l'acide lactique. Mais peut-être que tu vas remettre les pendules à l'heure. Oui, ben, je pensais aussi que c'était à cause de l'acide lactique. Et en fait, il y a effectivement de l'acide lactique qui va être produit lorsqu'on fait de l'exercice. Donc, lorsqu'on utilise du sucre, du glucose pour lorsqu'on fait un effort intense, on va produire de l'acide lactique lorsqu'on n'a pas assez d'oxygène pour nettoyer l'acide lactique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que rapidement, donc, quand on a cessé l'effort, l'oxygène revient et on se débarrasse de l'acide lactique. Donc, l'acide lactique est vraiment responsable des brûlures qu'on a lorsqu'on fait du sport, lorsqu'on a... Au moment de l'activité où là, on n'est plus capable de marcher ou de courir et on doit arrêter. Donc, c'est vraiment l'acidité qui s'accumule, qui nous empêche de fonctionner à ce moment-là. Mais ce n'est pas ce qui cause les courbatures. Non, effectivement. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt les mouvements les mouvements brusques qu'on fait de contraction. Merci beaucoup, Larry. De contraction où on va briser certaines de nos cellules. Donc, il y a des micro-fissures qui vont apparaître. Et encore là, comme c'était le cas avec les coups de soleil, donc il y a encore des médiateurs chimiques qui vont être sécrétés et qui vont appeler le système immunitaire à la rescousse. Donc, à la fois, la chimie peut être la source de nos malheurs, mais va aussi aider à réparer. Donc, finalement, c'est comme des micro-lésions dans nos fibres musculaires. Exactement. Et puis là, il y a une réaction immunitaire. Exact. Donc, il y a des produits chimiques qui vont être sécrétés. Et c'est ça qui nous fait des... Exactement. Moi qui étais persuadé que c'était l'acide lactique, qui me pensais savante parce que je pensais que c'était l'acide lactique, mais voilà, non, c'est... Et non, malheureusement. D'accord. Ben, merci beaucoup, Jean-Daniel. Donc, je comprends que tes vacances n'ont pas été de tout repos. Non, des vacances chimiques. Donc, j'ai toujours du travail supplémentaire non rémunéré à l'extérieur du travail. Voilà. Bon, ben, j'espère que tu auras d'autres anecdotes chimiques de vacances ou autres à nous raconter. Absolument. Au cours de ces chroniques 100% chimiques. Merci beaucoup, Valérie. Merci beaucoup, Jean-Daniel.